Quoi qu'il en soit, laissons cela, c'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été surpris par un faux jour, ou trompés de quelques vapeurs qui nous aient surpris la vue. Mais monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu. Des yeux que voilà. Il n'est rien de plus vrai que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre. Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4, et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Fort bien, monsieur. Le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement. C'est ce qu'il y a de bon en vous, c'est que vous n'allez point chercher de détour et vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, que l'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Une chaise, mon garçon.